And now let's practice some of that language. First, en anglais, c'est boot. Mais en américain, c'est trunk. Listen and repeat. En anglais, c'est boot. Mais en américain, c'est trunk. Here are two more examples. Once again, listen and repeat. En anglais, c'est suitcase. Mais en français, c'est valise. En anglais, c'est letter. Mais en français, c'est lettre. Now you. You're going to hear sets of two words. The first one English, the second one French. For example. Par exemple. The word for key in French is clé. Clé. So when you hear the prompt key, clé, you say en anglais, c'est key. Mais en français, c'est clé. As you speak, try to imitate the accent and intonation. En anglais, c'est key. Mais en français, c'est clé. After you've said it, you'll hear the correct answer. Repeat it in the pause before you go on to the next one. Je commence? Shall I begin? Je commence? Yes, you begin. Oui, vous commencez. Key. Clé. En anglais, c'est key, mais en français, c'est clé. Suitcase. Valise. En anglais, c'est suitcase, mais en français, c'est valise. Name. Nom. En anglais, c'est name, mais en français, c'est nom. Welcome. Bienvenue. En anglais, c'est welcome, mais en français, c'est bienvenue. Easy. Facile. En anglais, c'est easy. Mais en français, c'est facile.